Book 2 4 4 في المدرسة à l'école à l'école أين نحن où sommes-nous où sommes-nous نحن في المدرسة Nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école. عندنا صف. Nous avons cours. Nous avons cours. هؤلاء هم التلاميذ. Ce sont les élèves. Ce sont les élèves. هذه هي المعلمة. C'est l'institutrice. C'est l'institutrice. هذا هو الفصل. C'est la classe. C'est la classe. ماذا نعمل؟ Que faisons-nous? Que faisons-nous? نحن نتعلم. Nous apprenons. Nous apprenons. نحن نتعلم لغة. Nous apprenons une langue. Nous apprenons une langue. أنا أتعلم الإنجليزية. J'apprends l'anglais. J'apprends l'anglais. أنت تتعلم الإسبانية. Tu apprends l'espagnol. Tu apprends l'espagnol. هو يتعلم الألمانية. Il apprend l'allemand. Il apprend l'allemand. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Nous apprenons le français. Nous apprenons le français. أنتن تتعلمن الإيطالية. Vous apprenez l'italien. Vous apprenez l'italien. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Ils apprennent le russe. Ils apprennent le russe. تعلم اللغات شيء ممتع. Apprendre des langues est intéressant. Apprendre des langues est intéressant. نحن نريد أن نفهم الناس. Nous voulons comprendre les gens. Nous voulons comprendre les gens. نريد أن نتكلم مع الناس. Nous voulons parler avec les gens. Nous voulons parler avec les gens.